Je possède un livre qui traite du mariage, écrit par une femme écrivain brésilienne, Eula Long. Dans son ouvrage, elle cite un auteur anglais. Un jeune époux qui aime énormément sa femme a été, à un moment donné, séduit par une autre femme. Le jeune mari, honteux et accusé par sa conscience, ne savait pas comment retourner à son foyer et faire face à sa femme. Il pensait qu'il serait repoussé et censuré par Lucie, qui était une âme douce et pure. Enfin, angoissé et humilié, il a fait sa confession. Écoutez le dialogue. « Lucie, je ne suis pas venue avant, parce que je n'osais pas, parce que je suis un lâche, parce que, écoute-moi bien, j'ai violé mon vœu de fidélité, tu comprends? Je t'ai trahi. » « Mais Richard, tu m'aimes ?»« Oui, je n'ai jamais aimé une autre, et je ne pourrais aimer que toi. Alors embrasse-moi, mon amour. »« Mais Lucie, est-ce que tu me comprends? Sais-tu que je t'ai trahi? Embrasse-moi, Richard. »« Lucie, tu peux pardonner un homme si vil. »« Mais tu m'aimes ?»« Oui, Dieu sait que je t'aime. » Mais je t'ai trahi, je ne suis pas digne de toi, pas digne de toucher ta main, de m'agenouiller à tes pieds. Ah, mais si tu m'aimes, cela suffit, embrasse-moi. Vous êtes peut-être étonné en m'écoutant. Notre émission ne traite pas du mariage, mais des disciples. Aujourd'hui, je vous propose comme dernier sujet de cette série l'engagement du vrai disciple. Or, le mariage est aussi un engagement, du moins le mariage selon le plan de Dieu. Il y a promesse de fidélité réciproque, et les alliances que l'on échange en sont le gage. Quant à Richard, il y a eu infidélité, mais il l'a reconnu, s'en est repenti et humilié. C'est pourquoi Lucie ne s'intéresse plus au passé, mais elle ne veut savoir qu'une seule chose, c'est que son mari l'aime. Eh bien, chers auditeurs, si vous lisez dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 19, vous comprendrez pourquoi j'ai parlé de Richard et de Lucie. Les évangiles ne disent rien quant à un éventuel entretien du Seigneur à propos du reniement de Pierre. Mais dans le dernier chapitre de Jean, le tête-à-tête entre Jésus et Pierre nous est raconté. Écoutez leur conversation. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Trois fois Pierre a renié son Seigneur. La troisième fois avec des imprécations. Comment se sont passés les jours et les heures qui ont suivi? Pierre avait été averti, Pierre a été criblé, Pierre a été l'objet des prières du Seigneur. Il a une éclipse. Pour un court laps de temps, la lumière s'est cachée pour lui à cause de son fléchissement. Néanmoins, sa sortie de la cour des ennemis du Seigneur, ses pleurs de repentance, ont préparé sa rencontre avec Christ ressuscité. Comment Pierre s'est-il senti quand le Seigneur sans préambule lui a posé la question « M'aimes-tu plus que m'aiment ceux-ci » et son infidélité? Eh bien, son éclipse, sa faillite ont conduit à ce merveilleux entretien où trois fois Pierre ratifie son amour à son Seigneur comme pour effacer ses trois reniements. Cher ami, aimez-vous le Seigneur Jésus? Vous êtes-vous engagé envers lui? Y a-t-il eu infidélité de votre part? Tenez, voici une parole encourageante. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dites-lui votre sincère désir d'engagement en lui ratifiant votre amour. Êtes-vous hors du chemin du Seigneur? Avez-vous été fasciné par d'autres choses ou d'autres personnes? Est-ce qu'on doit dire de vous ce qui a été dit des chrétiens de Galatie ? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Revenez à lui maintenant. Dites-lui tout et dites-lui surtout que vous l'aimez. Cet engagement de la part de Pierre a conduit le Seigneur à confirmer l'appel du début. Il lui a dit tout simplement « Suis-moi ». La vocation du Seigneur subsiste. Chez lui, point d'éclipse. Ce « suis-moi » veut dire tout simplement « continue à me suivre ». Puis, un incident fortuit a permis au Seigneur d'attirer l'attention de Pierre sur un point bien différent dans la vocation d'un disciple engagé. Le Seigneur avait révélé à Pierre par quelle mort il le glorifierait. Sur ces entrefaites apparaît Jean. Et Pierre voudrait savoir ce qui arrivera à ce condisciple. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » La venue de Jean et la question de Pierre étaient une opportunité excellente pour donner à Pierre, et par ce biais à nous tous, une très importante leçon. Je pourrais paraphraser cette conversation. « Écoute, Pierre, je t'ai appelé, toi. Je viens de confirmer cet appel. Mais mon cher Pierre, pourquoi regarder à Jean ? Pourquoi te préoccuper de ce qui lui arrivera ou ne lui arrivera pas ? Ne t'occupe pas de cette question. Laisse Jean être Jean. J'ai des plans pour lui. Mais pour ce qui te concerne, que t'importe Jean ? Toi, Pierre, suis-moi et ne te laisse pas distraire par d'autres. Excusez-moi ce langage un peu trop imaginé. Je l'emploie dans le but de vous aider à comprendre l'enseignement si précieux contenu dans ce que nous pourrions considérer comme une simple coïncidence. En aucune manière le Seigneur ne voulait enseigner à Pierre que chacun fait ce qu'il veut, qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de son frère. Si vous avez écouté notre dernière émission, vous l'aurez très bien compris. Mais ce que le Seigneur enseigne à Pierre, c'est qu'il ne doit pas se laisser distraire par d'autres dans sa marche avec le Seigneur. Que de disciples, authentiques ou non, arrêtés à cause d'autres disciples. Ils ont comme prétexte l'Église, ses membres, ses responsables ou le pasteur. Le mari s'excuse par le mauvais témoignage de sa femme, les enfants par celui de leurs parents. Mais n'avons-nous pas lu « Que t'importe, toi, suis-moi » Écoutez ces paroles de chant. « Pourquoi te comparer aux autres ? C'est ton divin Seigneur qui t'a choisi, toi, pas un autre, pour ton humble labeur. » Oui, la comparaison avec l'autre est souvent désastreuse. Elle peut produire un vrai complexe d'infériorité, ou alors, et c'est tout aussi grave, de l'orgueil. Il est vrai que l'ensemble des disciples forment l'Église de Jésus-Christ, qui est comparée à un corps. Mais les disciples sont comparés à des membres, et l'un ne peut pas dire « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps ». Et un autre n'a pas le droit de se vanter en disant « Je n'ai pas besoin de toi ». Toi, suis-moi. Toi, le Seigneur vous tutoie, c'est plus personnel. Vous êtes appelé individuellement à écouter sa voix, mais vous n'êtes pas appelé à un christianisme individualiste. Je crois que ce passage tiré de l'épître Paul aux Romains met les choses bien à leur place. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes membres les uns des autres. Je voudrais terminer cette série d'émissions en vous invitant de tout mon cœur à donner une réponse au Sauveur. Je ne sais pas à quel point vous en êtes, mais vous le savez. Disciples, l'êtes-vous engagé, voulez-vous l'être? Faites vôtre les paroles de ce cantique et qu'elles soient votre prière. Maître de ma vie, mon divin sauveur, oui, ta croix, ton agonie, parle à mon cœur. Ton amour suprême demande en retour que de tout mon cœur je t'aime, Seigneur, dès ce jour. Tu sais toutes choses, tu vois mon désir de servir ta sainte cause, de mieux t'obéir. Que ton esprit daigne, Seigneur, m'inonder, que sa puissance m'enseigne à toujours t'aimer. Oui, ta grâce change ma vie et mon cœur, et je chante tes louanges, mon divin sauveur. La plus grande joie qui soit ici-bas, c'est de marcher dans tes voies et suivre tes pas. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, mes très chers auditeurs.